Très peu d'espoir, si je te dis pas, il m'en reste plus. Pour pas les coups des excuses, t'as qu'à remonter le temps. J'aurais mieux entouré dans un linceul que sous les traînes de mes serpents. Le revers plein quand il est pas plein. Je me relève de la mort tous les matins. On m'apprend que ça tire et ça n'arrête pas. Sur un petit plus petit que le petit de la dernière fois. J'tiens notre désert sur mes besoins. Ribou dans le bus, jamais devant. J'arrive toujours à l'heure de danse. J'te taquine en disant ce que j'pense. Tu m'as souri de la chair humaine entre les dents. T'as oublié quand on faisait les cages entre les bancs. Cadeau d'anniversaire, creuse ma tombe. J'cours après les sourires, j'perds ma tongue. J'ai le seum mais j'prends sur moi. J'me demande ce que tu prends sur moi. Si j'ai parlé trop bas, c'est que l'ombre écoute. Si je sors du coma, je referai tout. J'ai croqué dans des plans comme dans le fruit défendu. À l'âge de cristal, tous les cœurs sont fendus. Je me dis que je paye un truc. Je préfère mourir de froid que tu me prêtes un pub. Je suis à Madrid, j'attends une passe du Rift. Si j'arrive jusqu'à Saint-Denis, poto, je mets un but. Bloque le rentré cet après-midi en clip. Vis que Star City arrive. Genre pas de gamos, mon poteau, je me fais secrète. Comme de la vodka pure dans une CGLI. Ciel bleu, ciel gris, orage. 7h, je fais ce qu'il sautage. Opinel, chatte sur le visage. 9-3, équipe sauvage. Tu connais que ce que je t'ai pas caché. Je mettais des coups de plate, le bras cassé. Je tourne en caisse, je fume un bédo, je cogite. J'essaie de me rappeler du peu de choses que j'ai pas caché. J'ai le seum, mais je prends sur moi. Je me demande ce que tu prends sur moi. Si j'ai parlé trop bas, c'est que l'ombre écoute. Si je sors du coma, je referai tout. J'ai croqué dans des plans comme dans le fruit défendu. À l'âge de cristal, tous les cœurs sont fondus.